Je mange de la mortadelle et je sais pas pourquoi ça me fait penser à toi. Un neurone, il code pas seulement un type d'information. Ah ouais. Ça dépend. Ouais. Ça dépend où dans le cerveau. Ouais. Par exemple, les neurones qui étaient là sur le truc, ouais. L'oreille interne, ouais. Eux, ils s'occupent que de coder, ils codent qu'une information sur leur l'activité, enfin les basses fréquences, ouais. En temps et temps. Ouais. C'est tout ce qu'ils font. Ben, hop, ouais. Je fais, y a pas. Souvent, les neurones qui sont proches des entrées sensorielles. Mm-hmm. Soit sur la peau, des trucs tactiles, soit dans l'oreille, soit les yeux, soit le nez. Ouais. Ils ont une tâche et ils font que ça. Ouais. Après, dans le cortex, dans la partie du cerveau que nous, on a, comparativement à d'autres animaux, ils n'en ont pas forcément. Bah, là, les neurones, ils font beaucoup de choses. On s'est demandé à quoi on pensait. Non, pas vraiment. On s'est demandé comment on pensait. Enfin, on s'est plutôt demandé si on pensait de la même manière. Oui, ou plutôt si on avait les mêmes modes de pensée, d'une certaine manière. On s'est dit qu'il y avait différents mécanismes, oui, ou plutôt des modes, et on s'est mis à faire une liste des différents modes de pensée. Déjà, juste le fait de se souvenir, c'est un mode de pensée. Il a dit que c'était le mode associatif. Tu vois un truc qui te fait penser à un truc qui te fait penser à un truc. Alors t'as dit qu'un autre mode de pensée, c'était la boucle. Ce truc qui tourne en boucle sans arrêt, tu y penses. Et de manière associative, on a pensé à l'insomnie. C'est un peu le même mode que la boucle, mais en pire. Celle où tu rajoutes de plus en plus de pensées à l'intérieur de différentes boucles et qui s'amplifie jusqu'à saturation. Ce qui, par association, nous a ensuite fait penser au mode du relâchement. Là où tu penses à rien, enfin disons que t'as l'impression que tu penses pas à grand-chose, sauf à être là, comme ça, t'es un peu vide, un peu naze ou un peu cool, ça dépend. On dirait en tout cas. Ouais, on dirait. C'est pas grand chose. Il y a le mode un peu critique. Comparatif. Donc ça, c'était le mode souvenir. Ouais. Voilà. Associatif. Non, le mode critique, c'est un peu comparatif parce que tu le fais en comparant à d'autres trucs que tu connais. Non ? Ah ouais, c'est vrai. Et puis en marchant, on a pensé au dialogue interne, le dialogue avec soi-même, qui arrive par exemple en marchant, il peut croiser le chemin de la boucle aussi ou d'autres modes, mais à deux voix, celui où t'expliques les choses à toi-même. Et alors, t'as pensé au dialogue interne que t'as, mais avec quelqu'un d'autre, une voix. Alors là, je me suis marrée pour te faire croire que t'étais cinglée. Alors par association, on a pensé au doute, à l'hésitation, à la contradiction. J'avance, je recule, je reviens, je me demande. Puis, on a pensé à un mode tout différent, celui de la pensée critique. Il a dit que c'est un mode comparatif, parce que tu le fais en comparant à d'autres trucs que tu connais, et que ça sort pas de nulle part. Et puis alors, on se dit que si on connaît des trucs, c'est aussi parce qu'on a activé notre mode de travail. Le mode où on mémorise des trucs, on apprend, on comprend. Allez, dis un mot. C'est pas un mot. Et puis, il nous parle de son mode à lui qu'on a oublié, le fantasme. Ou plutôt, le mode où tu te projettes, quand tu te construis une sorte de fiction à partir de la réalité. Quand tu t'imagines ce qui pourrait se passer, celui quand tu te réjouis. Quand je discute dans ma tête, c'est souvent avec les gens qui me stressent. C'est vraiment pas possible de travailler dans des conditions pareilles. Je sais pas si on voyait un mail incendiaire. Qu'est-ce qui me provoque ce genre de pensée? Mais plutôt... Les semaines d'après, c'est resté coincé à quelque part dans ma tête. Non, c'était affreux pour moi. Dans ma tête. Par exemple, dans la tête, tu te le répètes tout le temps. Ah ouais? Oui. C'est l'écho, ça. C'est l'écho. C'est hyper fatigant. Une vibration de l'air. Ouais, c'est vibration de l'air. Tac, ça tapote un peu, ça rentre dans l'oreille interne. Dans l'oreille interne, c'est décomposé dans le domaine fréquentiel. Toutes les fréquences. Après, tac, toutes ces fréquences, c'est les petits poils qui vibrent, ça ouvre des canaux. Et ça fait un petit courant électrique, ça fait des impulsions électriques, vraiment, c'est le potentiel d'action. Et qui code, du coup, les fréquences. Ce que tu reçois dans ton cerveau quand tu entends. Un avion. Un avion, ouais, un avion, c'est assez dur, c'est presque du bruit. Et puis même, il y a un mois, t'essayes de te souvenir à quoi t'as réfléchi, et puis tu te souviens plus de rien. Pour ça, j'avais commencé un carnet que je gardais à côté de mon lit pour... pour essayer de me souvenir au moins trois choses de la journée. Je pensais à quoi juste là? Je pensais à quoi? Ouais, les animaux un peu qui utilisent vraiment leur sens, ils ont des pavillons mobiles. Ouais. Ils peuvent vraiment dire un peu j'écoute ce truc là, mais je te regarde toi. Ou j'écoute derrière, ou j'écoute une oreille d'un côté, une oreille de l'autre. Ça passe d'abord par ces aires de Wernicke, aires de Broca et tout ça. Ça transite le signal qu'elle a. Mais après, tout le son, il va l'envoyer vers les aires associatives. Ouais. Où il est mélangé, ça c'est l'intégration multisensorielle, c'est mélangé avec la vision. Il y a la même chose dans la vision, le truc, je sais pas, en même temps que t'es en train d'entendre, t'es en train de voir. Du coup, la scène, elle est aussi, elle passe dans tes yeux, dans ta rétine, dans ton V, cortex visuel, blabla. Elle est traitée dans tous les sens, puis elle est envoyée vers le cortex associatif aussi. Il y a pas mal de vent. Il y a du hou derrière moi qui fait un petit bruit, c'est rigolo, il crisse un peu contre le mur et il fait des sons bizarres. Il y a aussi un corbeau qui est à fond vraiment, mais j'ai beau le chercher du regard, je le vois pas. Du coup le hou il continue à faire ses petits bruits. Je commence à avoir un peu froid, donc j'ai la chair de poule au bras et un petit peu aux jambes. Et ah ouais, tout d'un coup j'ai le hoquet maintenant, ça vient toujours bizarrement le hoquet. J'arrive pas à le faire passer malgré le fait que j'avale pas mal de salive et que je me concentre sur ma respiration. Et on entend en même temps des sirènes de police, je sais pas trop d'où ça vient. Il y a une sorte d'ambulance maintenant, c'est bizarre parce qu'on dirait que c'est la même voiture mais qui change de sonnerie suivant s'ils veulent être des policiers ou des pompiers. La difficulté, c'est aussi avec la parole notamment, c'est de reconstruire un truc temporel. Parce qu'un mot, ça peut être très long. Je sais pas, une production à l'échelle de ces machins qui durent des millisecondes, c'est quand même relativement long. Et tu sais pas quand le couper, quand c'est le début, quand c'est la fin. C'est pas trivial de séparer des mots, même on sait déjà. J'envisageais de te dire que c'était... que quand on s'était vu, je pensais pouvoir te dire que finalement j'ai cru que je pourrais peut-être bien te dire que parce que c'était important, je voulais absolument te dire que là c'était bien que ça sorte et que j'arrive à te dire qu'il y avait une chose que je voulais te dire, que c'était essentiel de te la dire. J'avais plus qu'envie de te dire que c'était une chose qu'il fallait te dire, que j'aurais aimé te dire. Si un truc s'active et cause l'activation de quelque chose d'autre, donc il y a un machin, ça s'appelle présynaptique, donc un neurone présynaptique, un neurone postsynaptique, il y en a un qui s'active avant l'autre, on dirait qu'il y a une relation causale, genre il y a lui qui a causé l'activation de lui, ça veut dire hypothétiquement qu'il a essayé de transmettre de l'information, vu que c'est comme ça qu'il communique, donc cette connexion elle est hyper importante, du coup tu la renforces, tu la rends hyper costaud. Si c'est dans l'autre sens, si c'est d'abord le neurone postsynaptique qui s'active, avant le neurone présynaptique, il y a un truc anticausal. Du coup, tu te dis, ils ne sont pas du tout en train de faire la même chose. Lui, ça n'a absolument aucun sens d'aller dans le faute, dans le marche arrière à ce moment donné. Du coup, cette connexion, tu la tues. C'est avec ça, tu crées des associations de tout, en fait, à l'échelle des neurones et vraiment tout ça, mais aussi à une échelle plus conceptuelle, ça fonctionne. Le bruit de l'autoroute, le bruit de la mer, le bord de la mer. Hein. En fait, ils sont très distants, hein, mais par le cyclique, comme ça. Je passe la porte vitrée, tout droit, je vais sur la terrasse, je discute dans la tête, la table, je tourne à droite. Que j'ai oublié de faire les autocollants pour la roulette, il faut que je paye ces autocollants, il faut qu'on check cet atelier à la gêne, ce qu'il en est, regarder qui a payé les coins, après tout virer sur le compte d'Artafou, celui qu'on utilisera, compter combien il y a de participants en tout, il faut revoir pour les tentes, du coup rappeler les scouts de Glon vendredi et demander à Skander s'il a des nouvelles de sa cousine, il faut que je dise à Luc pour le grand soir. Il faut pas qu'on ait de faire des flyers pour le grand soir, faire un dossier pour le Lions Club, regarder avec Delphine et Steph pour samedi, et puis aussi pour samedi, et puis aussi pour dimanche, quel tremplin. Pas oublier de vérifier la clé du camion, et puis d'ailleurs, on va louer un camion pour le bon soir, je pense. Pour le Lions Club, regardez avec Delphine et Steph pour samedi, et puis aussi pour les images de Delphine et Steph pour samedi. Pas oublier de vérifier la clé du camion, et puis d'ailleurs, on va louer un camion pour le bon soir, je pense. Principalement pour être solide, pas pour être un code pour qu'un code il soit robuste, faut qu'il ait une information qui soit répétée. Parce que un neurone, ça peut mourir, ou ça peut se casser, ou ça peut ne plus fonctionner, ça arrive souvent. Avec, ben, je sais pas, il y a plein de trucs qu'on fait qui cassent des neurones, qui les tuent en fait. Juste le vieillissement, ça les tue, puis si t'en perds, si t'en avais que un qui faisait cette connexion-là, tu le perds, ben, t'as plus les bases. Alors si c'est répété ça plein de fois. Bien, non, je sais pas combien de fois on a des petites colonnes comme ça. Beaucoup, je pense. Tu vas rentrer à ta cage. Tu vas rentrer à ta cage. Internet, il y a des photos. D'accord. Tu vas rentrer à la maison, là. Tu vas rentrer là. D'accord. Tu fais un gros dodo. Qu'est-ce que tu racontes? En fait, sortie de l'école. Parce que, en tout cas, à l'école, ils en abusaient pas mal. Genre, j'ai même un prof d'histoire qui nous avait fait apprendre par cœur tous les personnages importants liés à la Première Guerre mondiale. Donc, on avait des listes de feuilles avec des portraits de types. Genre, le seul que je me rappelle, c'est Churchill. Et puis, genre, on devait écrire dessous leur nom. Donc, on devait tous les connaître par cœur. Il y en avait genre 25. C'est quoi déjà le nom de cet acteur qui joue dans ce film? Ah, je me souviens plus le nom, mais c'est une histoire d'un mec et d'une fille. Ça se passe aux États-Unis. Je crois que le nom du réalisateur commence par le S, F, oh, je sais plus. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Je sais pas trop quoi dire. Je pourrais parler d'un film, je pourrais le lancer sur une théorie. Moi je prends mon téléphone, je regarde un peu par la fenêtre. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Je vais quand même pas parler de la météo, c'est vraiment pas terrible. Lui dire un truc personnel ou comment je me sens. J'ai une mémoire de poisson, j'ai peur de tout oublier. Surtout juste avant de le dire. Après, je peux te dire que lui, par exemple, il code la couleur, il s'active quand tu vois du orange, disons. Lui, il s'active. Lui, il s'active quand il voit des rayures. Lui, il s'active quand il entend un ronronnement. J'en sais rien. Lui il s'active quand il y a un truc doux, quand tu touches quelque chose de doux, lui il s'active quand tu touches un truc rêche. Ouais. Et du coup, bah tu vois du orange dans ta vie, puis il s'avère que des fois, genre si tu vis dans un pays où il y a beaucoup de tigres, bah le orange, quand il s'active, il s'active souvent avec les rayures, parce que les tigres ont des rayures, puis il s'active si tu, par hasard tu les touches, ou avec du ronronnement, tu vois. Ouais. Du coup ces trois, ils sont souvent actifs en même temps. Tu te souviens de quelque chose, c'est parce que ça te fait penser à quelque chose qui te fait penser à quelque chose qui te fait penser à une autre chose qui t'a fait penser à trois choses qui t'ont fait penser à 10 choses. Là, en quelques millisecondes, t'as construit un réseau, un labyrinthe, un parcours impossible et t'arrives à te souvenir d'un détail parce qu'il fait partie d'un ensemble complètement pas possible. Une sorte d'arbre, de toile d'araignée, de nœuds, de pelotes, de tissage, de plates spaghetti, un buisson, un réseau de métro, de sauces au fromage qui se séparent, qui touchent des branches, des lignes, des points, qui fusent dans tous les sens, avec des trains, des voitures, des chariots, des chevaux, des éclats. C'est une course, un relais de pucerons qui fuse sur des étoiles filantes que t'as pas le temps de voir passer. Vu que ça se passe en permanence, tout ça, renforcer des trucs, changer la force d'une connexion, qu'il n'y a pas un neurone qui fait un seul truc, mais ils sont impliqués dans plein de processus à la fois, bah c'est jamais statique, c'est jamais figé. Ça fait que de bouger parce que bah, ce neurone qui code de l'orange, en fait il est en train de faire autre chose en ce moment, on est en train de discuter, il est en train de renforcer une autre connexion à côté, du coup ça change la forme de ce réseau-là, tout bouge tout le temps. Thank you. travers de la répétition. Ouais, c'est à travers de la répétition et du sommeil. Du coup, quand tu dors, ce que tu fais, c'est que tu repasses les choses que tu as essayé de mémoriser dans ta tête. Il y a la même activité électrique. Ils ont juste... Si on t'enregistre l'activité électrique de toi en train de... d'apprendre un texte, puis tu regardes un peu dans certaines zones du cerveau, puis tu te dis là c'est actif, là c'est actif, là c'est actif, là c'est pas actif. Puis tu peux voir une sorte de circuit électrique qui est allumé, qui s'allume longtemps quand tu es en train d'apprendre. Après, quand tu dors, ben, y a cette activité qui se repasse hyper vite, ah ouais. tête à fond, donc ça renforce les connexions. Ah ouais. Du coup, si tu dors pas, tu peux pas... Ça, tu mémorises moins. Tu mémorises pas, presque pas du tout. T'arrives pas à consolider la mémoire. Ah ouais. Donc, à la faire devenir durable. Ouais. T'arrives à l'utiliser sur le moment, un truc un peu de mémoire de travail, comme ça. Alors la mémoire ça marche comme ça, si je me souviens bien, Une copine m'a une fois raconté que justement pour optimiser le stockage pendant le sommeil, il fallait avant de s'endormir penser à trois choses positives qui sont arrivées dans la journée. Plutôt que de penser à ton voisin qui te saoule parce qu'il porte des talons, ou bien à comment... tout le monde t'ennuyait pendant la journée. La mémoire sensorielle, sans savoir, ça t'arrive par les sens, tu vois. C'est sous cette forme sensorielle que l'information t'atteint sans effort. Ça nécessite aucune intention, ça t'attire ton attention par les sens, t'entends. Ça arrive, c'est inconscient. Tu sens, ça rentre, tu sélectionnes, c'est sans attendre. Tout de suite, tout le temps, t'entends. Tu sélectionnes sans savoir, tout le temps. Mais tu vois, c'est inconscient, tu sélectionnes, c'est ton attention, ça se passe sans effort, tu vois, c'est immédiat. Mais alors après, si tu veux garder ce que tu vois, alors là, il faut bosser, ça va pas se faire tout seul. Alors là, il faut y aller, c'est court, mais alors là, t'as à peine le temps de t'y mettre, je crois. Tu dois bosser pour t'en souvenir, ça va pas se faire tout seul, là, si je me souviens bien. C'est la mémoire de travail, alors t'as 30 secondes pour te souvenir, ou quelque chose comme ça. C'est un truc à court terme, faut bosser pour t'en souvenir. 30 secondes ou 3 minutes pour enregistrer, ou quelque chose comme ça, si je me souviens bien. Faut l'enregistrer, si tu veux t'en souvenir, faut t'en souvenir, tu dois l'imprimer, ou alors tu t'en souviens pas. Je me souviens plus, mais pour essayer de me souvenir de la bataille de Waterloo, je vais penser au code d'entrée de la porte de SIG à Bruxelles. En général, tu l'oublies très vite parce que les 90%, enfin bien plus, mais... énormément de l'information qu'on entend, elle a strictement aucun intérêt. Et du coup, on la mémorise pas parce que le cerveau serait complètement saturé si on mémorisait tout. Seuls les PC HP sont équipés de bits audio, comme la gamme HP Pavillon avec système d'exploitation Windows 7. Écoutez la musique. Peut-être qu'on m'avait dit par mail, attends-moi devant le terminal qui va à Londres. Mais maintenant, je suis plus très sûre, maintenant que j'y suis, si c'est vraiment l'Eurostar qui va à Londres. C'est marrant de pouvoir aller en train jusqu'à un autre pays sous l'eau. Sous l'eau, mais j'aimerais bien faire ça une fois quand même. Je pense que Chloé fait ça avec ses copines, par exemple, pour le shopping. Moi, je suis jamais allée dans une ville exprès pour faire du shopping parce qu'ils ont jamais ma taille en fait. Puis là où il y a ma taille, les habits sont vraiment hyper moches. On dirait qu'ils pensent à rien, les stylistes David Rose. On n'a pas vraiment envie de porter du rose pâle, par exemple. Du vert pâle ou du beige, un peu ce genre de couleur. Ça fait un peu moche, quoi. Ça fait un peu gros et moche. Donc, c'est drôle. Ce qui est drôle aussi, c'est ça. On n'arrive plus à y accéder, mais ça veut pas dire qu'elle est pas là. Ouais. Si elle a été stockée, tu t'en rappelles. C'est des maladies qui s'appellent l'hypermnésie ou quelque chose comme ça. Ou des pathologies bizarres, ou quelqu'un, je sais plus comment il s'appelle, il y a un patient connu qui s'est pris une balle de baseball sur le crâne et il se rappelait, après cet événement, il allait plus ou moins bien. il a survécu déjà. Et il se rappelait de tout ce qu'il avait mangé toute sa vie. Ah oui. Comment à tous ses repas de midi. Ah oui. Hier soir, pâte, cannelloni, au pesto aux asperges, pesto fait avec des asperges, huile, pignon grillé, parmesan, avec une salade du jardin. Le soir, à midi, quoi, à mercredi, non, mardi, non, aujourd'hui c'est mardi, lundi, Sur ce texte, il y aurait la facilité à se souvenir ou la mémorisation, ta capacité à mémoriser un truc, donc plus c'est haut ici, plus t'es fort à mémoriser, plus c'est bas, plus t'es nul à mémoriser. Puis là, il y aurait l'émotion, par exemple. Ouais. Il y a souvent cette courbe dans la vie. Puis, du coup, quand t'as aucune émotion, t'es complètement désintéressé, t'arrives pas du tout à mémoriser les choses. Il y a un seuil un peu optimal où tu mémorises comme une machine. Ouais. C'est dans des zones d'émotion, je sais pas. Ouais. Je sais pas exactement lesquelles. Ouais, ouais, ouais, ouais. Puis dans les cas d'émotion extrême, tu peux complètement oublier. Te rappeler de rien du tout parce que t'es beaucoup trop... Mais il y a le cas... Ça, c'est le cas normal. Ouais. Puis après, il y a des cas vraiment hyper extrêmes d'émotion. Oh, il est là-haut. Mais c'est pas possible. Ah si, il est bien. Il est dans une courante ascendante comme ça. Ah ouais. Oui, il a tellement pas l'habitude qu'il fasse chaud. À Bruxelles, il y a tout qui va s'envoler. C'est incroyable, non? C'est un bout de plastique qui s'envole comme ça. C'est une vraie forme d'oiseau.